Chapitre 4. Les pièces de théâtre. Les poètes dramatiques sont-ils faits pour être lus, autant que pour être entendus? Je le crois. S'il est très vrai, comme on disait autrefois, qu'une bonne comédie ne se peut juger qu'aux chandelles, il n'est pas moins véritable qu'il y a comme un jugement d'appel à porter sur elle et qui ne se peut porter qu'à la lecture. C'est de l'éclat, c'est du mouvement aussi, de la pièce de théâtre qu'on juge à la représentation. Mais à la lecture, c'est de sa solidité. C'est par la lecture d'une pièce qu'on échappe au prestige de la représentation. C'est en lisant que l'on n'est plus dupe du jeu des acteurs, de l'énergie de leurs déclamations et de la sorte d'empire et de possession qu'ils exercent sur nous. Surtout, c'est en lisant qu'on peut relire, et ce n'est qu'en relisant qu'on peut bien juger, non seulement du style, mais de la composition, de la disposition des parties et du fond même. J'entends de l'impression totale que l'auteur a voulu produire sur nous, et de la question s'il l'a produite en effet ou non, ou seulement à demi. C'est à la lecture que l'on ne peut plus prendre la fausse monnaie pour la bonne, et des sonorités plus ou moins savantes pour une idée ou un sentiment. Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de vers pompeux qui semblent fort élevés et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute, avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui plaît et, à mesure qu'il y comprend moins, l'admire davantage. Il n'a pas le temps de respirer. Il a à peine celui de se récrier et d'applaudir. J'ai cru autrefois, et dans ma première jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l'amphithéâtre, que les auteurs s'entendaient eux-mêmes et qu'avec toute l'attention que je donnais à leurs récits, j'avais tort de n'y rien entendre. Je me suis détrompé. Soyez sûr que la Bruyère s'est détrompée, surtout en lisant. Beaucoup de pièces réussissent pleinement au théâtre. L'impression est l'écueil. Volontiers, je distribuerais les pièces de théâtre en 4 classes. Celles qui sont meilleures à la lecture qu'à la représentation. Celles qui sont aussi bonnes au cabinet qu'au théâtre. Celles qui sont moins bonnes imprimées qu'entendues. Et celles qui ne valent pas même la peine qu'on les imprime. Et les premières sont celles qui sont supérieures au talent des acteurs et que, par conséquent, les acteurs déparent et dégradent. Tous les grands chefs-d'œuvre classiques sont dans cette classe. Et les secondes sont d'une bonne moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne. Et c'est un éloge à faire d'une pièce que de dire qu'elle peut être lue. Et les troisièmes sont celles, si nombreuses, qui sont au-dessous du talent des acteurs et que les acteurs relèvent. Et les quatrièmes sont celles que les acteurs font, dont les véritables auteurs sont les comédiens. Et elles sont les plus nombreuses de toutes. Tout auteur qui écrit une pièce en vue d'une étoile, en vue de tel ou tel acteur ou de telle ou telle actrice, n'écrit point pour le lecteur, se résigne à n'être pas lu et condamne en vérité sa pièce comme œuvre d'art. Tant il y a qu'il existe des pièces qui sont très bien faites pour être lues et même relues, ce sont les plus profondes et les plus subtiles. Et les noms de Racine et de Marivaux, plus encore que ceux de Corneille et de Molière, viennent à l'esprit, comme aussi ceux de Sophocle et de Terence. Il faut donc lire les bons ouvrages dramatiques. Mais ici encore, il y a une manière particulière de lire, et tout à fait particulière. Pour pouvoir lire une pièce, il faut avoir été assez souvent au théâtre. Car il faut, en lisant une pièce, la voir des yeux de l'imagination, telle qu'on la verrait sur un théâtre. Cela est indispensable. Comme le véritable auteur dramatique écrit sa pièce en la voyant jouer, en voyant d'avance les acteurs qui entrent et qui sortent, qui se groupent et qui ont, en s'adressant les uns aux autres, telle ou telle attitude, et ne peut faire bien qu'à ce prix, tout de même, le lecteur doit voir, comme si elle était représentée, la pièce qu'il lit, et pour ainsi dire, presque littéralement, entendre les couplets et les répliques. Pourvu que l'on ait été quelquefois au théâtre, on s'habitue vite à lire ainsi, et, si l'on s'y habitue, on arrive assez vite aussi à ne pouvoir plus lire autrement. Rien du reste n'est plus agréable, et ce spectacle dans un fauteuil n'a d'autre inconvénient que d'affaiblir un peu en nous le désir de voir jouer des pièces dans un théâtre surchauffé, trop odorant et incommode. On arrive, par cette méthode, et c'est un petit excès, à voir à travers le couplet d'un acteur surtout la figure de celui qui ne parle pas et à qui le couplet est adressé. Et c'est surtout sur Héna qu'on suit des yeux pendant que Pompée a la parole. et la figure d'Orgon que l'on compose et que l'on contemple en la composant, quand Dorine l'oraille ou quand Cléonte le chapitre. Cet excès n'a rien de très dangereux, puisqu'on peut, et c'est le grand avantage du spectacle, dans un fauteuil, puisqu'on peut relire. Cette méthode est tout à fait indispensable pour ce qui est du théâtre antique. Sans pousser cette sollicitude jusqu'à une sorte de manie, il ne faut jamais oublier en effet que le théâtre antique est sculptural, que les personnages y forment des groupes harmonieux faits pour satisfaire les yeux amoureux de la beauté des lignes, autant que l'esprit amoureux de la beauté des pensées, que les Grecs ne cessent jamais d'être artistes et qu'il faut nous faire artistes nous-mêmes pour goûter leur théâtre, sinon autant qu'ils le goûtaient, du moins de la manière, d'une des manières, et importantes, dont ils le goûtaient. Ne doutez point que l'introduction du troisième personnage sur la scène à partir de Sophocle ne leur ait été, en partie, du moins, inspirée par un souci de groupement artistique, et que la règle inverse, ne quarta loqui persona laboret, il ne faut pas qu'un quatrième personnage se mêle au dialogue, ne leur ait été inspirée par la même considération. Remarquez que, dans la comédie, qui n'a pas ou qui n'est pas tenu d'avoir les mêmes préoccupations artistiques, le même idéal sculptural, il est assez rare qu'un groupe de trois personnages occupant le théâtre en même temps soit présent à nos yeux. Il faut donc, en lisant Sophocle et Euripide, celui-là surtout, restituer et tenir sous notre vue le groupement des personnages aménagés pour produire une émotion esthétique. Relisez surtout à ce point de vue Antigone, Œdipe roi et Œdipe à Colonne. Quelquefois même le théâtre français a quelque chose de cela, non point ou presque jamais dans Racine, mais dans Corneille. Auguste, Maxime et Cinna forment un groupe. Le roi, dont Diègue et Chimène forment un groupe. Le vieil Horace intervenant, acte 2, scène 7, entre Horace, Curias, Sabine et Camille, pour dire « Qu'est ceci, mes enfants, écoutez tous vos flammes », forme un groupe et d'une très grande beauté. On pourrait multiplier ces exemples. C'est considérer la tragédie comme un opéra. La tragédie grecque est un opéra. La tragédie française n'en est pas un, mais parce qu'elle ne laisse pas d'être inspirée de la tragédie grecque, et surtout parce qu'elle a en elle l'esprit même de la tragédie, il lui arrive, du moins par le souci des groupements à la fois savants et naturels, aussi par les morceaux lyriques qu'elle admet, d'avoir avec l'opéra des analogies qui ne sont pas douteuses et qui sont très loin d'être une dégradation ou de marquer une déchéance. En tout cas, lorsqu'on lit une tragédie ou une comédie, il faut s'habituer à la voir. Il faut faire grande attention aux entrées et aux sorties des acteurs, à leurs mouvements, indiqués quelquefois par le texte, à l'attitude que ce qu'ils disent suppose qu'ils doivent avoir, au jeu de physionomie que leurs paroles permettent d'imaginer. Brunetière faisait remarquer que le début de Phèdre est très précisément un tableau, toutes les paroles de Phèdre étant des descriptions de sa personne, de ses attitudes et de ses gestes. L'auteur, en effet, en pleine possession non seulement de son génie, mais de son expérience théâtrale, aurait voulu forcer l'actrice, même de trois siècles après lui, à jouer comme il l'entendait, et non pas à son gré, à elle, qu'il n'aurait pas écrit autrement. Il semble avoir dicté la mimique, mot à mot, et c'est-à-dire geste par geste. N'allons pas plus avant, demeurons, chère Œnone. Phèdre n'a fait que quelques pas sur le théâtre et s'arrête, fatigué, presque épuisé. L'arrêt doit être brusque, une des mains de la reine cramponnée au bras de sa nourrice. « Je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne. » Toute une attitude, lassée, déprimée, une sorte d'écroulement du corps. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Évidemment, une main s'élève pour protéger les yeux que la lumière du soleil blesse et meurtrit. Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. D'une démarche chancelante, elle cherche un siège que, nécessairement, d'une main, la nourrice approche d'elle, tandis que de l'autre, elle continue de la soutenir. Tout est réglé dans le plus petit détail par le texte même. Phèdre s'assied avec un « hélas » qui n'est que le « ha » d'accablement que nous poussons en nous asseyant ou en nous couchant après une grande fatigue. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent, quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. La main glisse sur le péplum, esquisse le geste de le rejeter, pendant que les épaules frémissent, puis remonte vers le front et esquisse le geste de repousser les cheveux sur les épaules, puis, fatiguée de l'effort, retombe et traîne, pendant que Phèdre dit d'une voix qui languit « Tout m'afflige et me suit et conspire à me nuire ». Plus loin, après qu'Œnone, prosterné devant Phèdre et embrassant ses genoux, l'a longtemps supplié de lui révéler son fatal secret, « Phèdre, tu le veux, lève-toi ». Ce mot indique tout un jeu de scène, coupe nettement le dialogue, sépare tout ce qui suit de tout ce qui précède, prépare l'attention du spectateur pour la révélation qui enfin va se produire, dessine aux yeux Phèdre encore assise et Œnone debout, attentive et anxieuse. Mais pourquoi faut-il qu'Œnone se lève? Pour que Phèdre se lève elle-même quelques instants après. Car, pour la liberté des gestes, dans le grand récit que Phèdre doit faire tout à l'heure, à partir de « Mon mal vient de plus loin », il convient qu'elle soit debout. Or, elle n'aurait aucune raison de se lever si Œnone était assise. Et elle en a une grande raison si Œnone est debout. Parce qu'à une personne qui est debout, on parle de plus près, plus directement, plus intimement, si l'on est debout soi-même. Phèdre se lèvera donc tout à l'heure, et c'est pour qu'elle se lève avec vraisemblance que Racine fait lever Œnone. Ce qu'il est naturel, du reste, que Phèdre lui commande, puisque Œnone, vieille femme, est à genoux, inclinée et dans une position incommode et fatigante. Mais à quel moment Phèdre elle-même se lèvera-t-elle? Ce n'est pas indiqué par le texte. Nous pouvons la voir se lever, soit quand elle dit « Tu vas ouïr le comble des horreurs », soit quand elle dit « C'est toi qui l'as nommé », soit quand elle dit « Mon mal vient de plus loin ». Dans le premier cas, au moment où la confidence commence, il est naturel qu'instinctivement elle veuille se rapprocher de la personne à qui elle l'a fait, et que, puisque cette personne est debout, elle se lève elle-même. Dans le second cas, même raison, avec cette particularité que Œnone ayant nommé Hippolyte, ce nom réveille dans l'esprit de Phèdre l'idée de la nécessité de parler à Œnone confidentiellement et de très près. Dans le troisième cas, la confidence est faite par ce mot même, « c'est toi qui l'as nommé ». Il reste à la donner dans tout son détail. Ce détail même étant honteux, il est naturel que Phèdre, qui en prévoit toutes les hontes, se rapproche de sa confidente et pour cela se lève. Pour moi, je vois Phèdre se lever à « tu vas ouïr ». Mais il vous est loisible de placer ce mouvement à l'un ou à l'autre des trois endroits que j'ai indiqués. À tout autre, je ne serai pas de votre avis. Ce que j'en dis, du reste, n'est que pour insister sur l'avantage de cette méthode qui consiste à se représenter les mouvements et les attitudes des acteurs et reconstituer l'action. On ne doit pas lire un drame autrement. Il me semble qu'en vérité, on ne le peut pas. J'ai vu représenter le commencement d'Athalie de la façon suivante. Abner apparaît à gauche. Joad apparaît à droite. Reconnaît de loin Abner, lui fait un geste qui veut dire « Ah, c'est vous, je suis heureux de vous voir ici ». Abner lui répond « Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel ». C'est assez théâtral, sans doute, car à montrer les deux personnages comme continuant une conversation commencée, on est forcé de les faire apparaître sortant de la coulisse ensemble, côte à côte, pour ainsi dire presque bras dessus, bras dessous, et cela est un peu bourgeois. Donc, il faut faire comme je viens de dire qu'on fait. Peut-être. Mais il me semble que jamais la lecture ne donnerait l'idée de cette façon de présenter les choses. « Oui » est une réponse à une parole, et non pas à un geste. Pour qu'Abner dise « Oui, il faut que Joad ait parlé ». Joad, traversant le théâtre pour venir au-devant d'Abner, doit parler, doit avoir parlé pour qu'on lui réponde « Oui ». Et ne provoquant ce « oui » que par un geste, est un peu étrange. Il semble avoir une extinction de voix, ou semble être étourdi par la surprise. Il n'y a vraiment pas lieu. Non, c'est bien une conversation commencée qui continue, et c'est ainsi que l'a voulu Racine. et donc il faut présenter Joad et Abner plus bourgeoisement, entrant par le fond, de front, et conversant déjà ensemble. Voyez ainsi. De même, quand Oreste et Pylade entrent en scène, Oreste disant « Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle. » Point de jeu de scène, ils entrent et il n'y a rien d'autre. Au contraire, quand Agamemnon réveille Arcas et lui dit « Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. » Il y a jeu de scène, évident, il n'y a point conversation commencée qui continue. Arcas dort, Agamemnon entre, lui touche le bras. Arcas se réveille et manifeste son étonnement de voir Agamemnon à son chevet, ce qu'il est tout naturel qu'il fasse sans parler encore. Et il va parler, mais Agamemnon, très impatient, fiévreux, comme la suite de la scène le montre, lui dit « Oui, c'est moi, j'ai à te parler ». Il le lui dit plus solennellement, mais c'est le ton de la tragédie qui le veut ainsi. Ici, je crois qu'il y a jeu de scène. Voyez de la sorte. En tout cas, voyez. Habituez-vous à voir. Une des choses qui distinguent une pièce bien faite d'une pièce mal faite, une pièce vivante d'une pièce sans vie, c'est que la première, on la voit, et que la seconde, on ne la voit pas. De même que le bon dramatiste a écrit sa pièce en la voyant, de même le bon lecteur lit la pièce en la dressant devant ses yeux. De quelque art du reste qu'il s'agisse, le secret du dilettante, c'est d'attraper l'état d'esprit où l'artiste a été lui-même en composant son œuvre et de savoir plus ou moins pleinement le garder et s'y maintenir. « Je ne trouve pas cette femme si belle, » disait un Athénien devant une statue de Phidias. « C'est que tu ne la vois pas avec mes yeux, » lui dit un autre. « Es-tu donc l'auteur ?»« Plût à Dieu, mais j'ai quelquefois comme une illusion que je le suis. » C'est une grande jouissance encore en lisant les auteurs dramatiques, et qu'on éprouve plus en lisant les auteurs dramatiques que tous les autres, que d'observer les différences de style entre les divers personnages. Les auteurs dramatiques, un peu aussi les romanciers, mais moins, ont cela de particulier qu'ils ont plusieurs styles, et qu'il faut qu'ils en aient plusieurs, faisant parler les personnages les plus différents, et devant avoir autant de styles qu'ils ont de personnages. On reprochait à un auteur dramatique de ne pas avoir de style. Il répondit spirituellement « Ne savez-vous pas qu'un auteur dramatique ne doit pas avoir de style ?» Comme presque toutes les réponses spirituelles, celle-ci n'est juste que prise d'un certain biais. La vérité est qu'un auteur dramatique doit avoir un style, plus cent autres qui ne sont pas le sien. Il doit avoir un style à lui et qui se reconnaîtra toujours quand il fait parler le personnage qui le représente. Ou toutes les fois, dans quelque rôle que ce soit, qu'il fait dire à quelqu'un ce qu'il dirait en effet lui-même. C'est ici qu'est son style à lui. Il doit avoir cent autres styles différents et dont il n'est pas responsable, ou plutôt pour lesquels il n'est responsable que de leur vérité relative et circonstancielle à l'usage des différents personnages qu'il fait parler. Bourgeois, homme du peuple, paysan, valet, marquis, hypocrite de religion, etc. Il y a plus. Le langage change, non seulement selon les conditions, mais selon les caractères, ou plutôt le langage change selon les conditions et le style change selon les caractères. L'avare ne parle pas comme le prodigue, le timide comme le fanfaron, le don Juan comme le craintif auprès des femmes, etc. Non seulement ils ne disent pas les mêmes choses, mais ils n'ont pas le même tour de style. Un auteur disait « Mon Guillaume le taciturne m'embarrasse, car de quel style le faire parler ? Il ne suffit pas de lui donner un style laconique, il faudrait qu'il ne dit rien, ce n'est pas un personnage de théâtre. » Il est plus difficile de trouver le style d'un caractère que d'inventer le caractère lui-même. Bellac, du « Monde où l'on s'ennuie », n'était pas difficile à inventer puisqu'il est toujours dans la réalité et qu'il suffisait de s'en aviser. Ce qui était malaisé, c'était de lui trouver son style, et c'est à quoi Pailleron a admirablement réussi. Léon Tolstoï fait remarquer, et c'est pour lui un critérium, que Shakespeare est un bien mauvais poète dramatique puisqu'il n'a qu'un style, oratoire, poétique, lyrique, pour tous ses personnages. D'où conclusion que Shakespeare n'est pas à proprement parler un poète dramatique. Le critérium, quoique insuffisant, s'il est unique, est très juste. Le poète dramatique se révèle vrai créateur d'hommes par plusieurs choses, en particulier par ceci qu'il a autant de style qu'il a de personnages. La critique à l'égard de Shakespeare est assez injuste, car précisément Shakespeare fait parler de la façon la plus différente du monde Falstaff et Othello, Iago et Hamlet, les joyeuses commères et Béatrix, la nourrice de Juliette et Juliette elle-même. Et enfin, il reste quelque chose de la critique parce que, à la vérité, Shakespeare a été trop grand poète, et particulièrement trop grand poète lyrique, pour ne pas, un peu, faire parler ses principaux personnages d'une manière qui ne les distingue pas suffisamment les uns des autres. Vous observerez que nos tragiques du XVIe siècle font parler leurs personnages tous de la même façon, et qu'il en résulte une monotonie cruelle. Que Corneille est excellent pour donner à Félix, à Stratonis, à Polyeucte et à Sévère des styles qu'on ne peut pas confondre. Que Racine, quoiqu'il y faille de meilleurs yeux, par des nuances au moins très sensibles, sait fort bien distinguer le langage de Néron, de celui de Narcisse, et aussi de celui d'Agrippine. Mais le maître en ce genre, maître incomparable, du moins à considérer tous les auteurs français, et pour les autres je sens mon incompétence, c'est Molière, qui trace un caractère par le style même du personnage dès les premières répliques qu'il prononce, qui met des nuances de style sensibles entre des personnages à peu près semblables, et par exemple entre Philaminte, Armande et Bélise, peut-être, et je le crois, entre Mademoiselle Cathos et Mademoiselle Madelon, qui indique par des styles différents les différents âges même d'un même personnage, car on sait parfaitement que Don Juan n'a pas le même âge au cinquième acte qu'au premier, malgré l'apparente observation de la règle des 24 heures, et qu'il change de caractère du commencement à la fin de la pièce. Or, observez le style, et vous verrez que de ces différences dans le caractère et de ces différences d'âge, le style même vous avertit. Il est à remarquer même que l'auteur dramatique varie naturellement son style selon les nuances de caractère d'un même personnage. On sait assez qu'Orgon, et c'est une des grandes beautés de l'ouvrage, a deux caractères, selon, pour ainsi dire, qu'il est tourné du côté de Tartuffe, ou tourné du côté de sa famille, autoritaire dans sa maison, docile au dernier degré devant le pauvre homme. Or, cela est marqué par des différences de style qui sont extrêmes. Quand Orgon parle à sa fille, c'est de ce style tranchant et acerbe. Ah, voilà justement de nos religieuses, lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses. Debout, plus votre cœur répugne à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage, et ne me rompez pas la tête davantage. Et quand c'est l'élève de Tartuffe qui parle, même non plus devant lui, mais répétant une leçon qu'autrefois il a apprise de lui, voyez le style sinueux, tortueux, serpentin, voyez la démarche de Tartuffe dans le style d'Orgon. Ce fut pour un motif de cas de conscience. J'allais droit à mon traître en faire confidence, et son raisonnement me vint persuader de lui donner plutôt la cassette à garder, afin que pour nier en cas de quelque enquête, j'eusse d'un faux fuyant la faveur toute prête, par où ma conscience eut pleine sûreté à faire des serments contre la vérité. De même, Elmire, qui a un style si court, si direct et si franc dans la scène 3 du troisième acte, parce qu'elle n'est nullement une coquette, quoique d'aucuns en aient cru, change de style, non seulement en ce sens qu'elle parle un tout autre langage, comme le lui fait remarquer Tartuffe, « Madame, vous parliez tantôt d'un autre style », mais aussi dans le sens grammatical du mot, quand elle a pris un caractère d'emprunt, et le style alambiqué, torturé, de la coquette, ou bien plutôt de la femme qui ne l'est point et qui s'efforce péniblement de l'être, lui vient aux lèvres et marque tout justement ce changement momentané de caractère, et avertirait et mettrait en défiance le convoiteux s'il n'était étourdi par sa convoitise. Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre? Que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre, et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout vint au moins partager un cœur que l'on veut tout. Un auteur dramatique ne doit se servir de son style à lui et ne s'en sert en effet, s'il a tout son art, que quand il parle en son nom. Et je veux dire quand il fait parler le personnage qui le représente ou le personnage qui lui est particulièrement sympathique. Il y a un style de Corneille, un style de Racine, un style de Molière. Le style de Corneille est celui des Don Diègue, des Rodrigues et des Horaces. Le style de Racine est le style de ses héroïnes, et l'on voit très bien que le style des hommes, chez lui, si savant qu'il soit, est plus tendu, plus voulu, j'hésite à dire plus artificiel, et semble lui avoir coûté plus de peine. Le style de Molière est celui de ses raisonneurs et de ses railleurs, c'est celui de Cléante et d'Henriette, un peu, et non pas tout à fait, celui de Chrysale. C'est là qu'il faut le chercher, et précisément c'est en le cherchant là qu'on saisira les différences entre le style personnel et le style qu'il invente et qu'il crée à l'usage des personnages étrangers à lui et pour les peindre. Ces études sont très intéressantes. Elles ne peuvent se faire un peu sérieusement qu'à la lecture. Cela même prouve qu'il faut lire les pièces de théâtre. Les pièces de théâtre se relevant au-dessus ou s'abaissant au-dessous de la représentation à la lecture que l'on en fait. Je ne dis pas pour cela que la lecture soit le vrai tribunal, ce qu'on pourrait toujours me contester et ce que rien ne me permet d'affirmer. Je dis seulement qu'il y en a deux, et que la lecture en est un où il est agréable de siéger, et autant ou moins que dans l'autre. Un des plaisirs encore de la lecture des poètes dramatiques est de distinguer ce qui, comme pensée, est d'eux et ce qui est de leur personnage. Cette recherche est d'autant plus engageante, d'autant plus passionnante, que l'on sent bien qu'elle n'aboutira jamais complètement, qu'elle n'aboutira jamais qu'à peu près. Jamais l'auteur n'est responsable totalement de l'un quelconque de ses personnages. Jamais ce n'est absolument lui-même qu'il peint dans un de ses héros. Jamais ce n'est absolument lui qui parle par la bouche de l'un d'eux. Il ne faut pas dire que Chrysale soit Molière, ni même que Gorgibus soit Molière, ni que le Cléante de Tartuffe soit Molière. Et ici, j'ai peur que, si on le croyait, on ne se trompât plus qu'ailleurs. Ni même que le Clitandre des Femmes Savantes soit Molière encore, quoique ici, j'estime qu'on serait plus près de la vérité. Cependant, nous avons quelques moyens d'approximation pour ainsi dire. Le personnage, par exemple, qui raille le personnage ridicule, représente approximativement l'auteur, et il n'y a pas à douter beaucoup que ce que dit la Dorine de Tartuffe ne soit ce que Molière pense lui-même. Le personnage, dans les pièces à thèse, qui raisonne, qui fait une dissertation, qui exprime des idées générales, et à qui, cela est important, l'adversaire n'a rien à répondre, peut être considéré comme exprimant à très peu près la pensée de l'auteur. Thouvenin, dans Denise, et bien évidemment Dumas fils lui-même. Remarquez bien ce procédé de Molière. « Monsieur mon cher beau-frère, avez-vous tout dit ?»« Oui, je suis votre valet. » Et Orgon s'en va. Cela veut dire « Cléante a raison, non seulement parce qu'il raisonne bien, mais parce qu'Orgon ne trouve pas un mot à lui répliquer. Et donc Orgon n'obéit qu'à sa passion. » Et Cléante obéit à son jugement. Molière use assez souvent de ce procédé qui est un avertissement aux spectateurs et aux lecteurs. Arnolphe, prêchez, ratiocinez jusqu'à la Pentecôte. Vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. De même, et d'une façon prolongée, dans la critique de l'école des femmes, tu ferais mieux de te taire. Je ne veux pas seulement t'écouter. La la la la la la la. Etc. Toutes les fois que l'auteur montre le personnage B, réduit à quia, c'est qu'il déclare et qu'il proclame que celui qui a parlé par la bouche de A est l'auteur lui-même. C'est pour cela que, de son temps, on a accusé Molière de donner raison à l'athéisme de Don Juan. Et pourquoi donc? Mais parce qu'il a montré, comme représentant de la cause de Dieu, un imbécile, et particulièrement parce que, tout en raisonnant, Sganarelle tombe par terre et que Don Juan lui dit « Voilà ton raisonnement qui se casse le nez ». Et certainement les apparences ici sont contre Molière. De même, on l'a accusé de louer, d'autoriser et de recommander la plus infâme complaisance chez les maris, parce que le personnage raisonnable de l'école des femmes, qui, à un certain moment, vante à Arnolphe les délices de l'état de mari trompé. On n'a pas compris, ou point voulu comprendre, qu'au premier acte, Chrysalde est en effet l'homme raisonnable, et qui ne parle que raison, et qu'au quatrième, il est un bourgeois raillard qui, pour taquiner Arnolphe et le mettre en ébullition, soutient devant lui le paradoxe le plus propre à l'exaspérer. Et sans doute, il y a là, de la part de Molière, une légère faute au point de vue de la thèse à plaider, puisqu'il la compromet. Mais l'erreur est plus grande encore de la part de ceux qui n'ont pas entendu qu'un homme de raison peut devenir à un moment donné un homme d'esprit et qui s'amuse. En résumé, sauf légères exceptions circonstancielles, on démêlera dans l'ouvrage d'un auteur dramatique ce qu'il pense lui-même en voyant à qui, dans la discussion, il donne le raisonnement faible, comme disaient les sophistes. À qui, surtout, il donne le raisonnement à quoi l'on ne répond rien, encore qu'à tout raisonnement on puisse répondre. Ceci même est la marque, puisqu'à tout raisonnement on n'en peut opposer un autre que l'auteur, qui assurément pouvait faire répliquer Paul, lui fasse garder le silence. C'est le signe qu'il veut que ce soit Pierre qui soit hautement désigné par lui comme ayant raison. Et enfin, on distingue la pensée personnelle de l'auteur dramatique surtout à l'accent avec lequel un personnage parle. C'est ce qui trompe le moins. Personne ne doute, à la façon dont Suréna parle, que Corneille ne soit avec Suréna, et que Suréna ne jette au public la pensée même de Corneille. Personne ne doute que les Don Diègue et le vieil Horace ne soient le cœur même de Corneille. Il y a des cas plus complexes. L'accent est aussi fort, en vérité, chez Polyeucte, chez Pauline et chez Sévère. C'est qu'il arrive, et c'est cela que précisément il faut comprendre, qu'il y a pour un auteur et qu'il y a réellement plusieurs vérités. Vérité d'enthousiasme, vérité d'amour, vérité de raison, et que, par ainsi, plusieurs personnages peuvent discuter, disputer et se torturer dans le sein même de la vérité. La raison de Corneille est avec Sévère, son cœur avec Pauline, sa foi avec Polyeucte. Les meilleures parties de lui sont partout répandues dans cette pièce, et par parenthèse, c'est une des raisons pourquoi cette pièce est si admirable. Mais retenons ceci, c'est l'accent qui est révélateur de ce qu'un auteur dramatique met de lui-même dans un ouvrage dramatique. Encore que ce soit l'essentielle qualité du dramatiste de se transformer en les personnages les plus différents et de vivre en eux. Encore que le dramatiste ne soit rien s'il n'est pas objectif. Cependant, le subjectif reste, et c'est à l'accent que le subjectif se reconnaît. Quand un personnage touche au lyrisme, doutez peu que ce ne soit l'auteur qui parle. Le lyrisme n'est pas tout entier littérature personnelle, mais il y a toujours quelque littérature personnelle dans le lyrisme. On voit qu'une des plus vives jouissances de réflexion dans la lecture des poètes dramatiques est de reconnaître ce qu'ils mettent eux-mêmes dans leurs œuvres. On voit aussi que cette recherche est difficile et qu'il n'y manque pas de chance de se tromper. Ce n'est qu'une raison de plus pour la faire quand il s'agit de plaisir, et dans le petit livre que j'écris, il n'est question que de cela. Le risque de se tromper aiguise le désir de voir juste et relève le plaisir d'avoir probablement raison. Et il y a un plaisir, je ne dirais pas plus grand, mais plus piquant, à être à peu près certain qu'on a raison qu'à en être pleinement sûr.